Bonjour à toutes et à tous. Et on a déjà souhaité la bienvenue à Bruce, qui a passé quelque temps loin de nous. Et aussi, il a donné l'assurance que Jérémie commence à s'adapter. Donc, je crois que cela nous réjouit. J'avais une information que je devais donner. Je crois que Madame Traoré, Aminata, est au courant. Maman avait dit qu'aujourd'hui, il y a une rencontre de l'AFE, c'est ça, à Sissin. Bon, et comme elle n'était pas là, elle ne pourrait pas être là, elle avait demandé. Et la présidente a envoyé a échangé un peu. Et ce matin, elle a dit bon, de beaucoup prier, d'informer encore au niveau de l'Église, si au niveau de notre communauté, il y aura des gens qui pourront participer. Maman lui avait expliqué, mais vous voyez, comme c'est une question de femmes et de l'Église évangélique, membre de la fédération, bon, elle tenait vraiment. Donc, j'ai reçu ce message en venant. Elle a dit d'informer encore l'Église. Donc, je vous informe. S'il y a la possibilité qu'une personne ou deux partent participer, gloire à Dieu. Bon, s'il n'y a pas de possibilité, je crois qu'il y aura d'autres réunions. Mais nous allons prier pour ces gens, pour leur rencontre. Parce que c'est assez important. Dans l'Église, les femmes font une grande partie de la base. J'aime dire souvent que si on dit de prier, immédiatement, si on me pose la question, je vais dire, si on dit aux femmes de prier, et de façon, de façon continue pour quelque chose, on a l'assurance qu'elles vont le faire. Mais si c'est nous les hommes, on va faire, et puis à un certain moment donné, on va manquer de force. Ce n'est pas parce que je suis un homme, la vérité, il faut la dire. Elles ont plus de solidité dans certains domaines que nous. Et même dans l'Église aujourd'hui, si vous regardez, elles font une grande partie. Elles sont plus nombreuses que les hommes aussi. Donc, on ne doit pas négliger toutes leurs activités parce qu'elles nous soutiennent. Donc, nous allons penser à ce temps qu'elles auront ce soir. Nous allons également prier pour nos sœurs à Orodara. Je crois que leur bureau devait avoir une retraite spirituelle qui commençait jeudi soir. Ça devait finir normalement hier. Nous allons prier pour eux et aussi prier pour cette rencontre, ce séminaire de formation des responsables d'église. Ils avaient invité et précisé que les gens viennent par couple parce que, en fait, le thème. Je ne l'ai pas, mais celui qui avait traité un thème avec les dames avait parlé beaucoup de la famille. Et c'est ce qui a été recommandé, que ceux qui viennent, viennent en couple. Donc, je voudrais que nous pensions également à cette rencontre. J'ai eu l'information que ce n'est pas demain l'arrivée, mais c'est mardi. C'est-à-dire que le séminaire commencera mercredi, jeudi et vendredi. Et le samedi, nous aurons notre assemblée générale à laquelle Ali et Aimé devront participer pour aider à réellement avoir tout le nécessaire, la liste de présence et autres pour notre récipicé. Donc, je voudrais qu'on prie pour ces sujets-là. Bon, je n'ai pas vu Ebenezer ce matin. Nous allons penser à elle. J'aime lui dire de s'occuper de Lassina et de mon ami Nathan, mais je crois que c'est bon que Nathan et Lassina s'occupent beaucoup d'elle maintenant. N'est-ce pas, Lassina? J'espère que tu joues ton rôle. Hein? Le pasteur n'a pas peur de dire les choses vraies devant tout le monde. Il faut bien t'occuper d'elle. Veuillez vous tenir debout, on va prier pour ce sujet. Dis merci à Dieu pour Bruce qui est revenu. Et pensez toujours à Jérémie. Pensons toujours à lui. Prions ensemble pour tous ces sujets. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu fidèle. Ta grâce est sans limite dans nos vies. Ce matin, nous te disons merci pour notre frère Bruce que tu as ramené en sécurité. Merci pour Jérémie qui a commencé à s'adapter. Merci de ce que tu vas continuer à le soutenir. Père, nous voulons penser également à ces différentes rencontres. Merci pour la retraite spirituelle du bureau des femmes mennonites. Nous disons merci pour tout ce que tu as fait. Nous voulons également, Seigneur, te confier la rencontre de l'AFE ce soir. Sois avec ces femmes. Aide-les, soutiens-les. Guide-les dans tout ce qu'elles auront à faire. Nous te confions le séminaire des responsables à Orodara qui va commencer la semaine qui va commencer. Merci de ce que tu vas aider. Nous pensons également ce matin à notre sœur Ebenezer. Soutiens-la, Seigneur, sois avec elle pendant ces moments difficiles. Toi, tu es le vrai Dieu. Tu peux soutenir toute sa famille. Agis. Permets que, Seigneur, cet accouchement se passe, oui, dans de bonnes conditions. Merci pour ta bonté et merci pour chacune de nos vies. Merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Le dimanche passé, nous avons commencé à parler un peu de certaines personnes qui ont été citées dans Hébreux 11, ceux qui ont marché par la foi. Je crois que le premier que nous avons vu, c'était Abel, n'est-ce pas? Tout le monde se rappelle un peu de quelque chose, de ce que nous avons dit à propos d'Abel? Quelqu'un peut dire quelque chose? Ou bien si je dois noter, ça risque d'être des notes qui ne sont pas bonnes. Oui? Quelqu'un se rappelle encore de quelque chose? Oui, Lassana? Dis juste quelque chose dont tu te rappelles. Oui? Ok. Oui. Ok. Quelqu'un d'autre a autre chose à ajouter? Ça, c'est un gros résumé de quelqu'un qui a une pensée scientifique. Il a tout arrangé comme ça et puis il a posé. Ok. Quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter? Ou bien ça va? Tout le monde a le résumé. Ok. Et je vous avais dit également qu'aujourd'hui, nous allons voir un autre et une prochaine fois encore le troisième. Parce qu'ils sont cités dans Hébreux au chapitre 11. Ce matin, nous allons parler d'Enoch. Et je crois que lorsqu'on lit la Bible, souvent on est confus à cause du fait qu'on se trouve devant Enoch, Enoch, d'autres Enoch, on ne comprend pas, n'est-ce pas? Bon, pour vous rassurer, le traducteur sait de quoi il s'agit souvent. On peut avoir différentes orthographes, n'est-ce pas? Je crois même chez nous, là, ça existe, non? Vous avez des comporés avec C, d'autres avec K. Bon, je disais à quelqu'un de pourquoi on ne peut pas écrire caboré avec Q, U, parce que ça donne le même son. Il m'a dit non, parce qu'on ne peut pas faire ça. Je dis, mais c'est la même chose. Bon, donc, c'est le même son, non? 4, ça marche? Ok. Donc, les orthographes diffèrent. Les gens peuvent écrire un nom avec des orthographes différentes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que vous devrez, dont vous devrez vous rappeler, vous pouvez avoir le même nom pour plusieurs personnages bibliques. Plusieurs personnages. Et dans le cas d'espèce, si on commence par les premiers, lorsque vous lisez, vous avez Enoch. Caïn a eu un fils qui s'appelait Enoch. Et on a même nommé une ville Enoch, du nom de ce dernier. Et ensuite, on nous parle de l'autre Enoch. Donc, moi, je voudrais que nous parlions ce matin. Donc, je voudrais que vous vous rassurez, quelle que soit votre version, si vous voyez des orthographes différentes, rassurez-vous que ça arrive, les gens peuvent écrire les noms avec des orthographes différentes. Et aussi, pour d'autres personnes, d'autres personnages qui ont le même nom, ça arrive. Et d'ailleurs, quand vous prenez un bon dictionnaire biblique, on vous donne des différents personnages qui ont le même nom, ou même s'il y a des lieux de ville et autres qui ont le même nom. Et on vous donne plus de précision. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose dont vous devez être au courant en lisant la parole de Dieu. Donc, ce matin, nous allons parler de Enoch, qui a marché selon ce que la parole de Dieu nous dit, qui a marché par la foi. Quelqu'un peut nous lire Hébreux 11, le verset 5. Et je vais demander à une autre personne d'aller dans Genèse 5. Il va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Donc, nous commençons par Hébreux 11, le verset 15. Quelqu'un là? Hébreux 11, verset 5. 5. Oui, verset 5. Tu précises ta version. Ok. C'est par la foi que nous point la mort, et qui n'est pas parce que Dieu l'avait enlevé, car la verset assez condensé quand même. Hein? Ali a sa version en français courant. Voilà, il faut lire ça. Ça va nous aider plus. Verset 5. À la fois, Enoch fut amené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Personne ne put le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Ok. Ça, c'est un peu plus clair, non? Je pose ma question. C'est un peu plus clair? Oui, ça semble un peu plus clair en français. Et ça nous situe mieux. Avant d'être enlevé, Enoch a plu à Dieu. La snari. La version du pasteur, c'est ce que tu veux dire. Ok. Je vais demander à Ali de lire dans Genèse 5, des versets 18 au verset 24. Allons dans Genèse. 18 à 24. À l'âge de 162 ans, Yéré eut un fils Enoch. Après la naissance d'Enoch, Yéré vécut encore 800 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tous 962 ans, il mourut. À l'âge de 65 ans, Enoch eut un fils, Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vécut 300 ans en communion avec Dieu. Il eut d'autres fils et des filles. Sa vie dura 365 ans. Il vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. Je crois que la dernière partie de notre verset 24 rejoint ce que nous avons lu dans Hébreux 11, 5, n'est-ce pas? Il disparut, ici on nous a dit il disparut, parce qu'il avait été enlevé par Dieu. Bien. Cet homme, Enoch, nous voulons parler un peu de sa vie. D'abord, qu'est-ce qui nous apprend à propos de marcher avec Dieu? Et qu'est-ce que marcher avec Dieu a comme exigence? C'est vrai, on est tout juste au début de la parole de Dieu, mais lorsque vous continuez à feuilleter la parole de Dieu, vous allez revenir sur des prophètes ou d'autres personnes qui parlent encore de comment marcher avec Dieu. Parce qu'ici, on nous dit, voilà quelqu'un qui a marché par la foi. Mais l'aspect sur lequel je voudrais mettre l'accent à propos d'Enoch, c'est parce qu'il a été quelqu'un qui a marché avec Dieu. Ceux qui sont mariés, je crois que ceux qui ne sont pas encore mariés pourront faire l'expérience. Lorsque vous découvrez la personne avec qui vous espérez ou vous souhaitez ensemble former un foyer et vivre le restant de vos jours, je crois que vous avez souvent et vous avez fréquemment envie d'être à la présence de la personne, n'est-ce pas? C'est pas cela? On veut passer beaucoup de temps avec la personne. Et je vous ai donné ce proverbe de chez moi qui dit que quand on aime une femme, même le mur, quand on aime une fille, même le mur de leur concession, on aime ça. C'est là-bas elle est, non? C'est à l'intérieur du mur là, elle est là-bas. Donc ce mur là est différent des autres murs. Lorsqu'on aime et qu'on souhaite vivre avec la personne, on veut être tout le temps avec cette personne-là, n'est-ce pas? On a envie d'aller partout avec cette personne. On a envie de faire beaucoup de choses avec cette personne. Jusqu'à ce qu'on se marie, c'est la même chose, ça continue, non? Puisque ça doit se cultiver, n'est-ce pas? Et Amos 3:3 nous dit une chose à propos de comment marcher ensemble. Quelqu'un peut nous lire le verset? Amos 3:3. Amos, le prophète Amos pose une question. Amos 3:3. Si quelqu'un l'a, il précise sa version et puis il lit. Amos 3:3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être s'être convenus? Ali, tu peux nous donner ta version de lui de français courant? C'est une question que Amos a posée, n'est-ce pas? Ok. Deux hommes font-ils route ensemble sans s'être d'abord rencontrés? Sans s'être d'abord rencontrés. Ok. Lui, il a dit convenu. Et dans son rencontré, probablement, ça veut dire qu'il faut que vous vous entendez. Si vous ne vous entendez pas, bon, ce n'est pas rencontré, simplement tu l'as vu et puis non. Ça veut dire que vous vous êtes entendu et vous êtes d'accord pour aller ensemble. On parle de deux hommes. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'expressions qui diffèrent un peu. On a des gens qui marchent avec Dieu, ça existe. Marcher devant Dieu, marcher après Dieu, ça fait des expressions très différentes. En français, si nous le prenons, nous voyons qu'il y a des prépositions qui font la différence. Marcher avec Dieu, après Dieu et devant Dieu, ça fait des choses différentes. Et ici, lorsqu'on dit marcher avec Dieu, le sens réel est que cet homme marche continuellement dans tout ce qu'il fait, la communion avec Dieu est là. J'ai donné l'exemple de ces personnes qui s'aiment, qui veulent être toujours ensemble. Et je crois que dès lors qu'on atteint ce stade-là et on pense à se marier, on ne fait pas des choses en cachette, on ne fait pas des choses sans demander à l'autre ce que c'est. Et si l'autre vous dit, par exemple, je n'aime pas aller dans ce coin, vous allez éviter d'aller là-bas parce que vous ne voulez pas lui faire, lui déplaire. Les deux passages que nous avons lus nous parlent de ce Enoch. Et je ne crois pas que ça soit quelque chose de fortuit, que c'est de façon gratuite que Enoch a fait comme ça. En lisant dans Genèse 5, on nous dit, il y a une certaine logique qu'on suit lorsqu'on parle de ces hommes-là. On parle de d'abord, ensuite on dit, il est comme il a eu tant d'années, ensuite après cela, il a eu, on donne un nom qu'il a engendré, et on va jusqu'à ce qu'on dise le nombre d'années qu'il a faites, et puis après on dit, il est mort à telle année, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons, nous repartons dans notre texte à propos de Enoch, voilà ce qui est dit. Au verset 19, on nous dit simplement, au verset 18 d'abord, Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Ça, on parle de son père, n'est-ce pas? Son père qui s'appelle Jéred. Ensuite, on nous dit, tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. On vient à Enoch. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Ça suit ce qu'on venait de dire. On a dit à quel moment il a eu son fils. 65 ans. Je crois que c'est beaucoup, hein? Ok. On nous dit au verset 22, je voudrais que vous regardiez bien ce verset. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Après la naissance et à la fin, on nous dit combien d'années il a vécu. Il a vécu 65 ans d'abord, n'est-ce pas? Et on nous dit à partir du moment où il a eu Methuselah, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme s'il y a eu une rupture avec sa vie de 65 ans passée. On nous dit qu'il marcha avec Dieu pendant combien d'années? 300 ans. 300, c'est plus que 65, n'est-ce pas? C'est comme si c'est au moment où il a eu son fils qu'il a commencé une nouvelle manière de faire les choses. Et c'est ce que je voudrais qu'on se rappelle de cela par la suite. Il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Ce n'est pas petit. En lisant quelques commentaires, on nous expliquait pourquoi ces gens vivaient plus longtemps qu'aujourd'hui. La terre n'était pas assez infectée comme aujourd'hui. Et puis, un commentateur a par exemple dit qu'à l'époque de d'Enoch, on ne parlait pas d'accident comme aujourd'hui. Qu'on disait que quelqu'un est mort par accident parce qu'on l'a cogné ou il y a eu ceci, ça n'existait pas. Bon, ça veut dire que ce qui pouvait enlever facilement la vie de quelqu'un n'était pas, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Et puis, un autre a expliqué qu'en ce moment, il n'y avait pas eu encore le déluge. Donc, la nature n'était pas infestée de tous ces maux que nous avons aujourd'hui. Et cela se comprend. Pour cette raison, ces gens vivaient plus longtemps que nous. Bon, nous, nous sommes des Africains. Je crois que si on regarde un peu dans notre entourage, on regarde ces vieilles personnes qui sont des grands-parents ou autres, si on regarde comment ils sont plus solides que nous, on comprend facilement, n'est-ce pas? La raison qu'on avance souvent, c'est quoi? C'est parce que ces gars-là, on les a soignés avec des feuilles ou bien l'eau des racines. Bon, différent de ce que nous on fait avec nous, on nous pique, on nous donne des comprimés, et je suis convaincu que la SNA va dire que derrière les comprimés, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. N'est-ce pas la SNA? Ok. Donc, ça veut dire que à l'état naturel, ils avaient plus, ils ne souffraient pas comme nous et leur corps tenait mieux que nous. Voilà pourquoi ça ne doit pas nous étonner si on dit qu'ils vont jusqu'à 900 ans. Mais la chose dont je voulais que nous nous rappelons est que il a marché, il vivait comme les autres. Et dès lors qu'il a eu son fils, c'est comme c'était un point de départ pour lui. Et on nous dit qu'il marcha avec Dieu. Je vous rappelle aussi que si nous lisons, si on veut déterminer l'époque de la vie d'Enoch, c'est comme si c'était 622 ans après que Adam ait été créé. C'est beaucoup aussi, la 622e année. Et voilà Enoch qui est là. Une chose dont je voudrais que nous nous rappelions, c'est que ce n'est pas qu'à l'époque d'Enoch, les choses étaient simples comme aujourd'hui aussi. Puisque vous voyez, son fils, à partir duquel il a commencé à marcher avec Dieu, ce fils, si vous lisez la suite, il a eu 969 ans. Et c'est justement quand ce monsieur est mort qu'on a eu le déluge. Ça veut dire que il y avait bien sûr une vie corrompue, des difficultés. Parce que si vous commencez la lecture en lisant déjà ce que Caïn avait semé comme graine, si vous lisez la descendance de Caïn, qu'est-ce qui s'était passé? Vous rendez compte qu'il y avait déjà plein de corruption et de violence sur cette terre-là, bien que c'était au début. Comment est-ce que ce monsieur a pu marcher avec Dieu? Parce que dans la lecture, que ce soit dans Genèse ou que ce soit dans Hébreux, où c'est assez explicite, nous voyons que sa marche avec Dieu a eu comme conséquence quelque chose. Et ce quelque chose, ils ne sont que deux dans la Bible à avoir vécu cette expérience-là. C'est-à-dire passer de cette terre physique, la vie physique que nous avons ici, à aller chez Dieu sans passer par la mort. Lui, il était le premier. Le deuxième, c'était qui? Le prophète précisé, Élie. Le prophète Élie, parce qu'il y avait des Élie aussi dans la Bible. Il y avait d'autres Élie. Le prophète Élie. Et je crois que vous et moi, lorsque nous arrêtons et qu'on pense à être avec notre Dieu demain, quelle est la pensée qu'on ne veut pas du tout avoir? Il y a une pensée qu'on ne veut pas avoir. Hein? Pourtant, c'est par là qu'on passe toujours, en tant qu'humain. C'est la mort, non? C'est la raison pour laquelle devant un corps, tout le monde pleure, on est attristé. On dit, mais Dieu, pourquoi tu as fait ça? On pose beaucoup de questions. Mais est-ce qu'il y a une autre voie par laquelle, aujourd'hui, les gens peuvent passer? Il y a d'autres voies. Celle par laquelle ils n'ont qu'à passer, mais pour y accéder, il y a beaucoup de choses à faire. Enoch était un homme de son temps. Mais il s'est arrêté et Enoch a changé. Comment est-ce qu'il a fait? Parce que c'est sûr que pendant sa vie, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. Et lui, s'il a décidé de marcher avec Dieu, vous pensez à son enfant, son fils. Comment est-ce qu'il allait l'enseigner? Je veux que nous regardions dans la Bible ce que certains prophètes ont dit à propos de comment on marche avec Dieu. Parce que Dieu ne s'est pas caché. Dieu s'est révélé. Il a dit comment on devait marcher avec lui. Et si on dit que Enoch a marché avec Dieu, on n'a pas dit qu'il a marché devant Dieu ou après Dieu, il a marché avec Dieu. Cette communion était quelque chose de très important. Je veux que nous allons voir quelques exemples. Je voudrais que quelqu'un lise dans Michée au chapitre 6, le verset 8. Et un autre va préparer Malachie 2, le verset 6. Si vous l'avez, nous allons le lire. Michée 6, 8. Et Malachie 2, 6. Michée 6, 8 d'abord. Si je regarde dans ma version 8 secondes, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Qui t'a fait connaître? Le prophète Michée s'adresse au peuple de Dieu. On t'a fait connaître, ô homme. C'est comme s'il prenait individuellement chacun d'eux. Parce que si vous repartez au début du chapitre, ce qui est là, c'est le titre qu'on a donné ici, c'est procès de l'Éternel avec son peuple. Et la miséricorde de l'Éternel. Un procès. Tout le monde sait ce que c'est qu'un procès. Si on parle d'un procès, il y a bien quelqu'un qui est en train de se plaindre d'autre. N'est-ce pas? Et on a des gens qui écoutent et qui vont trancher. Mais Dieu, si on dit procès de Dieu avec son peuple, ça veut dire quoi? Que Dieu est en train de se plaindre de la manière dont son peuple se comportait. Et ici, il leur a montré, depuis le début, jusqu'à ce verset précisément, il leur montre comment ils devraient marcher avec lui. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Il y a d'abord une question de faire ce qui est bien, différent de ce qui est mal, je crois. C'est le contraire, non? Dieu a mis dans le cœur de ces gens de connaître la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous repartez dans le jardin, il a bien précisé cela. Ne faites pas ceci, ça c'est pas bien. Faites comme ça. Et je crois que quand on regarde au conseil de Dieu, il est un Dieu parfait. Il a toujours dit aux gens, voilà ce qui était bien. Et ce qui était bien, c'est ce qui est lui, sa volonté. Et le contraire, ça c'est mal. Si vous le faites, voilà ce qui va vous arriver. Donc, ces gens devaient connaître ce qui était bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Et Dieu, aux yeux de Dieu, la justice est quelque chose de très fondamental. Il est lui-même un Dieu juste. Et il veut que ceux qui l'adorent, ceux qui le suivent, pratiquent la justice. Sa parole le dit sans tourner. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons, certains de ses prophètes disent que il est celui qui défend la veuve et l'orphelin. Parce que ce sont des gens faibles, qui n'ont aucune force. Et la plupart du temps, on les opprime, on leur fait la force. Mais Dieu est un Dieu juste et il veut que si on dit qu'on marche avec lui, on marche dans la justice. Il faut pratiquer la justice. C'est la pratiquer, ça veut dire dans notre vie quotidienne qu'il y ait la justice. Parce qu'il ne suffit pas simplement que ça soit dans un cas donné. Je ne sais pas si vous avez déjà, ceux qui sont dans des grandes familles, dans notre système africain, est-ce qu'on demande aux grands frères de faire le partage? L'aîné, est-ce qu'on dit toujours à l'aîné de faire le partage? Minata, pourquoi on ne dit pas à l'aîné de faire le partage? Hein? Ok. On n'accepte pas que l'aîné partage. Parce qu'il y a derrière la tête des gens, c'est une notion de justice aussi. Parce que s'il va partager, il va se donner un. Il va, si c'est lui le premier à prendre, il met un gros tas et il met les autres tas petits. Mais si ce n'est pas lui qui partage, et j'ai vu, moi dans ma famille, on ne dit pas celui qui le suit, hein. Non, on donne au dernier. Souvent, on donne au dernier, on lui dit partage. Parce que si lui partage mal, c'est lui le dernier à prendre. Donc, vous voyez, ça exige de ce monsieur-là. Bon, il n'est pas content, mais c'est comme ça. S'il partage mal, bon, ça le regarde. Il va prendre petit, et puis c'est lui qui a partagé. Donc, on le considère comme responsable de ce qu'il a fait. Donc, pour qu'il y ait la justice, il ne faudrait pas qu'on dise que lui-même, il est le juge, et en même temps, qu'il est un qui essaie de se défendre. Ça ne marche pas. En justice, on ne fait pas comme ça. On ne vous permet pas d'être des deux côtés, vous seul. On préfère que si vous êtes d'un côté, que vous demeurez là-bas, mais pas des deux. Parce que si vous devez défendre quelque chose qui vous appartient et on vous dit d'être le juge, il n'y aura pas de justice. Ou bien allez. Ok. On ne peut pas être juge et parti, vous voyez. Et ça, c'est normal. C'est pour éviter qu'il n'y ait pas, qu'on ne se favorise pas. Dieu voulait que les gens pratiquent la justice. C'est dans tous les aspects de leur vie. En tant que famille, ayant les ouvriers, que vous puissiez leur donner ce qu'ils méritent. Donc, il insistait sur cela. La suite du verset nous dit que tu aimes la miséricorde. La miséricorde, Dieu est un Dieu de miséricorde lui-même. S'il n'avait pas en lui la miséricorde, vous et moi, nous ne pouvons pas nous tenir devant lui. C'est avoir compassion de l'autre. Et Dieu est plein de compassion. Sa parole dit qu'il a une miséricorde, on ne peut pas, disons, une miséricorde illimitée. Les gens devaient avoir cette compassion-là. Et en Israël, ils le faisaient. Ce qui leur était demandé dans leur loi, vous ne pouvez pas tout récolter et puis laisser. Non, vous laissez quelque chose pour que les gens viennent glaner, n'est-ce pas? Il y avait des règles pour que les gens vivent dans la miséricorde aussi. Enfin, voilà ce qu'il dit, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je crois que le mot, l'adverbe ici, humblement, montre une certaine force à pouvoir se baisser. Parce que marcher, c'est bien, mais humblement, ça veut dire qu'on se soumet, on se plie, on s'abaisse. Et ce n'est pas facile. Ça, c'est ce que Michée disait à ce peuple-là. Je veux qu'on lise le second passage. Qu'est-ce que Malachie disait? Malachie 2, verset 6. Ils n'ont formulé que des enseignements justes. Ils n'ont prononcé aucune parole mensongère. Ils étaient en parfait accord avec moi. Dans leur lutte, ils ont convaincu beaucoup de gens de renoncer au mal. Merci. C'était des gens qui, dans ce texte, étaient censés enseigner les autres. Et ce que Malachie dit, dans l'enseignement des autres, ils n'ont pas transformé la vérité en autre chose. ils ont dit ce que la loi disait aux autres. Et le but de cela, c'était quoi? C'était de pouvoir ramener ceux qui se sont écartés de la voie de Dieu, de les ramener à la voie de Dieu. Ils ne faisaient pas cela simplement pour montrer que c'est eux qui peuvent le faire, eux, ils étaient justes, ils étaient ceci et cela. Non, il y avait un but pour cela. Et lorsque nous pensons à la vie d'Enoch n'a pas été une vie cachée. Si c'était une vie cachée, on n'allait pas avoir de témoignage le concernant. Lorsqu'on lit dans Hébreu, Hébreu précise bien que il y a eu le témoignage que Enoch a plu à Dieu. Voilà pourquoi il est allé, il a été enlevé. Mais on ne se limite pas là. Quand nous allons dans Jude, Jude nous parle, lui nous parle d'une prophétie concernant Enoch. Je veux qu'on lise Jude. C'est un seul chapitre, mais il n'y a que deux versets, 14-15, qui nous rappellent un peu ce Enoch qui il était. Quelqu'un l'a trouvé? Jude 14-15. C'est l'avant-dernier livre, Apocalypse. Septième descendant d'Adam, en ligne directe, qui, il y a longtemps, a prophétisé à leur sujet en disant, écoutez, le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers, afin d'exercer le jugement sur tous les humains. Il condamnera tous les pécheurs pour toutes les mauvaises actions dues à leur révolte contre Dieu et pour toutes les paroles que ces êtres sans respect ont prononcé contre lui. C'est bon, oui. 14-15. Jude parle d'une prophétie d'Enoch. Et moi, je vous pose la question. Enoch, ici, s'adresse à qui? Est-ce que ceux à qui il s'adresse sont des gens qui avaient une bonne vie? Non. Et moi, je vous pose la question. Nous qui sommes dans cette salle-là, si vous n'avez pas une vie correcte, est-ce que vous pouvez vous adresser à des gens et condamner des gens qui n'ont pas une vie correcte? Ça peut se faire? Docteur, c'est possible? Vous n'avez pas une vie correcte et puis vous appelez les gens, vous dites, vous, votre manière de faire là, vous êtes des tricheurs, vous êtes ceci et cela. Bon, quelqu'un va se tourner et puis dire, votre terre. On se connaît ici. Voilà ce que Fidel a dit. On se connaît ici. Et si on dit ça, vous faites quoi? Votre bouche se ferme. Enoch pouvait dire cela à cause de sa vie. Parce que le témoignage qu'on fait de la vie d'Enoch, c'était effectivement quelqu'un qui avait une vie correcte. Il marchait avec Dieu. Et il pouvait dire aux gens, voilà ce qui va vous arriver, vous les impies. Vous qui vous comportez mal. Vous qui proférez de mauvaises paroles contre le Seigneur. Voilà ce qui va se passer. Vous serez jugés lorsqu'il viendra. C'était à l'époque, je peux dire, d'Enoch. Mais est-ce que cette époque est différente de la nôtre? Je dirais non. Parce que vous et moi, dans tout ce que nous disons, chaque jour on nous dit, le Seigneur Jésus revient, n'est-ce pas? Pour être plus correct, on préfère même ne pas dire reviendra, parce que le futur semble un peu lointain. On dit, le Seigneur revient. Et on fait la différence. Et la parole de Dieu est claire. Prenez les évangiles, regardez les épîtres. Les auteurs nous disent, quand il viendra, il fera quoi? On fera la part entre les boucs et les brebis. Ça veut dire quoi? Et on précise, tous ces auteurs disent de faire attention à ce que nous faisons, de faire attention à nos vies, de faire attention à nos paroles, parce que nous allons être tenus responsables devant le trône de Dieu. Nous sommes encore dans la même situation, je crois. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes, ça c'est Enoch, bon, ça c'est lui, eux ils ont vécu, bon, lui il a donné, mais l'exemple était pour attirer notre attention. Et comme je l'ai dit, Enoch a vécu 65 ans d'abord, comme les autres. Il a vécu comme les gens de son époque. Jusqu'au moment où il a eu son fils, Enoch a décidé de changer. Et ce changement, c'était de marcher avec Dieu. Je crois que vous et moi, nous sommes interpellés. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Nous avons vu ce que le prophète Michée a dit à propos de marcher avec Dieu. On a ajouté avec ce que Malachie dit à propos de marcher avec Dieu. Vous et moi, notre époque est une époque également où on a une vie pleine de corruption, de vices, une vie réellement corrompue. Aujourd'hui, vous allez dire peut-être, si le pasteur dit qu'on peut vivre et marcher avec Dieu comme Enoch a fait, c'est une utopie, ça peut être vrai. Mais je peux dire, si Enoch a pu le faire, nous aussi on peut le faire. On a donné des exemples d'hommes et à plusieurs reprises on dit si eux aussi étaient des hommes comme nous. Nous aussi, nous pouvons. Mais notre difficulté, la voici, nous aimons sectionner notre vie. Nous avons notre vie religieuse. Ça, c'est à part. Ça n'a rien à voir avec notre vie professionnelle. N'est-ce pas? Je peux dire que si on regarde, on va dire, bon, ma vie de famille, ça doit être plus proche de ma vie religieuse. Parce que quand même, je vais à l'église avec mes enfants. Si à la maison, je me comporte comme un tyran, et tout le temps, ça ne va pas. Il peut m'interpeller et dire, papa, ça, c'est pas ce que la Bible nous dit. À l'école le dimanche, on nous a dit, voilà, voilà, voilà. Et puis, vous êtes obligé de vous taire. Mais la difficulté est que souvent, nous sectionnons notre vie en parties. Quand vous êtes à l'université, ça, c'est la vie d'étudiant. Le campus, ça, c'est le campus. Je suis rentré hier et j'expliquais à Rhoda que j'ai eu une discussion houleuse hier avec quelqu'un en banque. C'était un Libanais, il prenait son argent, je prenais mon argent. Et puis il a commencé à parler. Il a dit, il avait un appareil qui a sonné. Et immédiatement, un des vigiles est rentré. Il a dit, ah, qu'il faut m'excuser, c'est mon appareil. Mais, tu sais, il dit au vigile, puisque c'est un habitué, il dit au vigile, mais si moi je devais voler, ce n'est pas à l'éco-banque que j'allais voler, parce que vous n'avez pas assez d'argent. J'allais aller à la BCAO. Et puis, celle qui me servait a dit, mais toi, tu plaisantes. Là-bas, là, on ne peut pas rentrer. Il a dit, non, qu'il est sûr que si des gens l'aident, comme son papa, et c'est moi qui s'adresse, comme le papa qui est assis, que c'est sûr que ça peut marcher. Et que parce que lui, il n'aime pas l'injustice. Il y a des gens qui ont l'argent et ils ne veulent pas aider les autres. Je dis, non, ce n'est pas de cette façon-là. Je dis, on ne dit pas à un pasteur de rentrer dans les choses comme ça. Il me dit, moi-même, je suis imam. Je dis, ok. Donc, révise un peu ta vie. Parce que cette injustice dont tu parles n'est pas celle de Dieu. Il dit, non. Que, mais c'est normal. Et il a commencé à parler. Que la manière dont on doit calculer, je dis, pardon. Le calcul de Dieu est différent de ton calcul. Dieu dit, 1 plus 1 égale 1. Tu comprends ça? Il me dit que non, que ça, c'est un mauvais calcul. Je dis, bon, si c'est un mauvais calcul, on ne discute plus. Et puis, je ne rentre pas dans ces choses-là. Toi, tu n'es pas juste. C'est ce que le Coran te dit. Bon, la dame a compté mon argent me donné. Elle a su que le pasteur n'allait pas se laisser faire. Et quand je sortais, j'ai dit, bon, bonne journée. Mais surtout, n'accepte pas de mauvaises graines comme ça. Je suis sorti. On s'est retrouvé à la sortie. Et il me regardait, il ne pouvait plus parler. J'ai dit, mais tu m'as provoqué. Moi, je suis pasteur, je ne veux pas rentrer dans le flou. Et je n'accepte pas cela. Voyez le monde. Nous sommes obligés. On ne doit pas regarder les choses comme ici c'est en banque, je me tais, le type il dit ce qu'il pense. Non. Moi je dis non. Parce que je lui fais savoir que dans ma foi chrétienne, même si ces pauvres-là sont là, si le type il refuse qu'il ne donne pas, je ne vais pas le forcer à retirer pour lui donner. Pourquoi? Quelle justice est-ce? La justice de Dieu est différente de la justice des hommes. Et nous ne devons pas compartimenter notre vie. Ce que nous sommes, où nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, cherchons toujours à demeurer ce que nous sommes. Ça peut nous coûter. Ça peut vous coûter votre poste, ça peut vous coûter votre position, ça peut vous coûter disons, je peux dire même des intérêts que vous voyez immédiats. Mais vous n'allez pas regretter. Parce que demain, lorsqu'on va vous regarder, on va dire, lui là, il est digne de confiance. Et nous devons faire ainsi. Et je crois que quand on donne l'exemple d'Enoch, c'est quelqu'un qui a été en communion de façon continuelle avec Dieu. Ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, pendant 300 années. Il l'a fait pour que son nom demeure et qu'il soit un témoin. Pour que Dieu l'agrée et Dieu l'enlève sans qu'il connaisse même la mort. Mes frères et mes soeurs, nous on peut aussi. On peut. Essayons. Si on essaye de marcher comme ce que Dieu veut, nous allons réussir. Mais si nous disons que c'est trop, qu'on ne peut pas, et puis on dit, bon, c'est notre monde qui est comme ça, je dis non. Non et non. Parce que dans notre subconscient, il y a quelque chose qui change. Si on se limitait à ce que nous voyons avec nos yeux, est-ce que vous allez continuer vos études à l'université? Je pose la question. Regardez tout ce monde-là. Quand vous allez composer, il y a combien de candidats? Pour combien de postes? Pour une centaine de postes, vous avez combien de candidats? Bon, si vous n'avez pas d'espoir, est-ce que vous allez composer? Je pose la question. Est-ce qu'on ira composer? Non. Parce que derrière votre tête, là, il y a quelque chose qui dit, c'est possible que je puisse passer. Sinon, il y a tellement de... Pour une centaine de postes, vous le trouvez avec 8000 candidats. 8000, c'est peu même. C'est petit, non? 100 000. Pour 100, un truc de 100 places. Moi, je vous pose la question. Vous allez rentrer par quelle porte? Veuillez vous tenir devant vous à prier. Qu'on s'arrête, que chacun s'arrête et qu'on dise à Dieu, nous aussi, on peut. Voilà. On peut. Et demander à Dieu cette force-là. Demander à Dieu cette sagesse. Pour que nous aussi, comme c'est Enoch qui a pu le faire, que ça ne soit pas, que notre exemple ne soit pas simplement nous seuls. Mais ça attire les autres à revenir à la vérité. Chacun va prier pour lui-même. Prions. Père, je te bénis ce matin. Je te loue ce matin, Seigneur. Je te lève ce matin, Père. Même si cela semble difficile, même quelquefois que nous pensons que c'est utopique, il n'est pas impossible que, Seigneur, nous puissions marcher avec toi, que nous puissions, dans notre communion avec toi, dans tout ce que nous faisons, que nous puissions, Seigneur, regarder à toi. Père, je te supplie, je t'invoque ce matin, je dis non, je te demande de m'aider dans ma conduite, dans mes paroles, dans mes actions, Seigneur, à demeurer comme tu le veux, ô Seigneur. Parce que toi, tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es celui qui peut nous aider. Ô Père, interviens et aide-nous. Soutiens-nous encore ce matin. Dirige-nous, Seigneur. Aide tes enfants que nous sommes à marcher avec toi dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Que tu y sois. Que Père, dans tous les aspects de notre vie quotidienne, que Seigneur, oui, ta présence soit effective. Nous avons besoin de cela. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Bruce de lever la voix, de dire merci à Dieu. Parce que nous avons demandé chacun du fond de son cœur et nous avons l'assurance que Dieu va nous répondre. Seigneur, c'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous venons devant toi, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous savons que nous avons ce privilège ce matin, pendant tous les jours, de venir devant toi. Tu es toujours prêt de nous écouter. Tu es toujours prêt, Seigneur, de nous garder, de veiller sur nous, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, que ta parole que nous avons écoutée ce matin, que ça demeure dans le cœur de chacun, Seigneur. Que nous puissions, de jour en jour, Seigneur, tenir sur tes voies pour être fidèles à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Avant de partir, je voudrais qu'on se rappelle de ces quelques mots. Et je crois que nous allons le dire ensemble. Celui qui marche par la foi honore Dieu et marche avec Dieu. On peut le dire ensemble? Celui qui marche par la foi honore Dieu et marche avec Dieu. Honore Dieu et marche avec Dieu. On le reprend encore. 1, 2. Celui qui marche par la foi honore Dieu et marche avec Dieu. Amen. Honore Dieu et marche avec Dieu. Ça fait 2 choses importantes. Si on honore Dieu et on marche avec Dieu, nous allons voir, nous allons faire, nous allons plaire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.